Emilia Pardo Bazán, un petit-fils du Cid. Le vieux curé du sanctuaire de Saint-Clément de Boane soupait paisiblement, assis à table, dans un coin de sa vaste cuisine. La lumière du triple bec de la lampe accusait les lignes accentuées de son visage, ses épais sourcils blanchis, son crâne tonsuré, d'où s'échappaient de blanches mèches, sa chair rugueuse, sanguine, qui débordait en plis épais de son rabat. Le curé occupait le haut de la table. Au centre, son neveu, beau gars de 22 ans, mangeant de grand appétit. Au bout, le garçon de ferme, les manches de sa grossière chemise d'étoupe relevées jusqu'au coude, enfonçait sa cuillère de bois dans une énorme tasse de bouillon fumant et le humait silencieusement. Une villageoise servait tout le monde, profitant de l'occasion pour prendre aussi sa part, sinon des plats, du moins de la conversation. Le service le permettait, puisque, ne péchant pas par la complication, il se réduisait à poser devant les convives une miche de pain gigantesque, à sortir du buffet le vin et les divers plats, et à pousser négligemment sur la nappe la casserole de terre remplie de pommes de terre aux larrances. « Monsieur Xavier, demanda-t-elle, sans quitter ce qu'elle faisait, qu'avez-vous entendu dire de la bande qui rôde par ici ?»« De la bande, petite ? Attends, répondit le garçon, relevant sa bonne et joviale figure. « Ce que j'entends dire de la bande ? On m'a raconté quelque chose à la foire, oui, l'on m'a conté. On dit que l'on a volé à monsieur l'abbé de Loubrégo une quantité d'argent, 100 onces. Ils ont attendu qu'il eût vendu le seigle du grenier et ses bœufs à la foire du 15, et puis ils l'ont attrapé. Il ne s'est pas défendu ? Ne savez-vous pas qu'il est très vieux ? Il était en outre alité ce jour-là, surpris par sa goutte. » Le curé, qui jusque-là avait gardé le silence, releva vivement ses yeux qui scintillaient comme du jais sous ses sourcils neigeux, et il s'écria. « Se défendre ? Dans toute sa vie, Loubrégo n'a pas su par où se charge une escopette. Il est vieux. Bah ! Quant à être vieux, j'accomplirai mes 65 ans à la Pentecôte, et il en aura 70 à la fête Dieu. Je le tiens de bonne source, il me l'a dit lui-même. De sorte que, quant à l'âge, en ce qui me concerne, il ne m'empêche pas de viser juste, grâce à Dieu. Oui, les pères Bridière peuvent en témoigner, approuva chaleureusement le neveu. Vous m'avez accommodé la dernière. Et le lièvre d'aujourd'hui, enfant. Et le renard de dimanche, ajouta le garçon de ferme, faisant émerger son museau des vapeurs du bouillon. Quand monsieur l'abbé l'amena, le traînant par une corde, comme cela, et il lui serrait le cou. Râle du Seigneur. Quick, quick. Il est là, le maudit, murmura le curé, montrant la porte où s'étendait, clouée par les quatre extrémités, une peau sanglante. Il ne mangera plus de poule, ajouta la servante, menaçant du poing la dépouille inerte. Cette conversation synergétique rendit la tranquillité à la réunion, et Xavier ne pensa plus à compter ce qu'il savait de la bande. Le curé, après avoir récité les grâces, marmottant le latin, se rinça la bouche avec du vin, croisa les jambes, alluma une cigarette et, tendant à son neveu un journal plié, murmura entre deux bouffées. « Voyons maintenant ce que dit la foi, hombre !» Xavier commença la lecture de l'article de fond et la bonne, sans penser à desservir la table, prit pour elle une tasse de bouillon dans la soupière et s'assit, pour l'avaler, sur un banc à côté du foyer. Presque aussitôt, un hurlement prolongé couvrit la voix sonore du lecteur. La servante resta immobile, la cuillère en l'air, sans oser la porter à sa bouche. Xavier écouta un instant et reprit sa lecture, tandis que le curé, indifférent, aspirait des nuages de fumée et crachait fréquemment de côté. 2 minutes s'étaient passées à peine qu'un nouveau hurlement, auquel succédèrent des aboiements furieux, rompit le silence extérieur. Cette fois, le lecteur laissa là le journal et la servante se leva, bégayant. « Monsieur Xavier, maître, maître !»« Silence !» interrompit Xavier, et il s'approcha à pas de loup de la fenêtre, au bas de laquelle il semblait que se fissent entendre les grondements furieux des chiens, qui, du reste, s'étaient tus de nouveau. Le curé, faisant de sa main droite un cornet à son oreille, attendait de sa place. « Oncle, murmura Xavier. Petit, les chiens se taisent, mais je jurerais entendre des voix. Alors, comment se taisent-ils ? » Le jeune homme ne répondit pas, occupé qu'il était à enlever la barre de la fenêtre avec le moins de bruit possible. Il entr'ouvrit doucement les volets, souleva l'espagnolette, et, encouragé par le silence qui régnait, il se résolut à pousser le vitrage. Un froid aigu entra dans la pièce, de laquelle on aperçut un pan de ciel sombre, parsemé d'étoiles, dans la profondeur duquel se dessinaient les contours vagues des arbres du bosquet. Au même instant, un sifflet aigu déchira l'air, une détonation retentit, et une balle, effleurant les cheveux de Xavier, alla s'incruster dans le mur de face. Xavier ferma instinctivement la fenêtre, et le curé, s'élançant vers son neveu, le palpa avec sollicitude. « Les damnés ! T'ont-ils atteint, enfant ? Si c'eussent été des balles à loup, aïe de moi !» dit Xavier quelque peu ému. « Sont-ils là ? Derrière les premiers châtaigniers du bois. Mets la barre, prends les scopettes, les balles, la poire à poudre, prends également notre le faucheux, tu entends ?» Ici, le curé dut élever la voix, comme s'il commandait une manœuvre militaire, les aboiements désespérés des chiens résonnant plus fort d'instant en instant. « Et maintenant, en avant, pendant qu'ils aboient, avant qu'ils se taisent, mille tonnerres !»« Si nous connaissions quelqu'un de la bande, je le sifflerais ou lui parlerais, » opina le garçon de ferme, debout, empoignant une fourche à faucher le jeune nez, tandis que la servante, tapie près du feu, tremblait de tous ses membres et poussait par instants des gémissements étouffés. Le curé, ouvrant un Judas pratiqué dans l'épaisseur des volets, y passa le poing et cassa une vitre. Puis, collant sa bouche à l'ouverture, il cria au chien d'une voix forte. « Sus, sus, Chucho, Morito, Linda, sus, allez, allez, animo, Linda, mettez-les en pièces !» Les chiens, fous de rage, se précipitèrent. On entendit, au pied même de la fenêtre, un bruit de lutte, des menaces sourdes, un aïe de douleur, une imprécation, puis les plaintes d'un animal agonisant. « Le pauvre Morito, maintenant il ne chassera plus le renard !» murmura tristement le laboureur. En même temps, le curé, prenant son escopette des mains de Xavier, la chargeait jusqu'à la gueule. « Laisse-moi avec mon escopette de perdrix, elle est vieille mais redoutable. Toi, arrange-toi avec le faucheux. Pour moi, c'est nouveauté, je suis pour l'ancienne mode. As-tu des cartouches ?»« Oui, monsieur, » répondit Xavier, se disposant également à charger son élégante carabine. « Sont-ils là-dessous ? Au pied même de la fenêtre ? Il se peut qu'ils dressent des échelles. Par la seconde porte d'entrée, y a-t-il du danger ? Je crois que non. Ils ont assauté le mur de la cour, et nous pouvons les fusiller de la galerie. Et par la porte du cellier ? S'ils y mettent le feu, oui. Pour la rompre, ils ne la romperont pas. Alors nous allons nous égayer un instant. Attendez, attendez, mes petits amis. » Xavier regarda la figure de son oncle. Ses narines étaient dilatées, sa bouche était sardonique, le bout de sa langue dépassait ses dents, ses joues en feu, ses prunelles brillantes, ni plus ni moins que lorsque dans la montagne, son rabatteur favori s'arrêtait, lui signalant une bande de perdrix cachée dans les genêts. Quant à Xavier, il laborait ses préparatifs de chasse humaine. En cet instant même, tandis qu'il glissait dans son sac les projectiles meurtriers, il pensait qu'il se plairait bien davantage dans le cloître de l'université, au café ou à la foire du 15, achetant des rosquillas, sortes de gâteaux secs très durs et très sucrés, et des caramels aux jeunes filles du Paso de Valdomar. Il revoyait en imagination la foire, les cornes luisantes des bœufs, l'œil doux des vaches, le triste pelage des rosses. Il entendait la voix fraîche de Casildita del Paso qui lui disait, dans l'accent mignard et traînant du pays, « Aïe, pour Dieu, donne-moi le bras, qu'avec tant de gens on ne peut pas avancer !» Il croyait sentir la pression de son petit bras. Hélas, c'était la main musculeuse et velue du curé qui le poussait vers la fenêtre. « Éteignez la lampe !» ce qui fut fait de suite par trois souffles vigoureux. « Commençons la fête. Je charge, tu tires. Tu charges, je tire. Hé, Tomasa » cria-t-il à la servante. Ne crie pas, tu ressembles à une belette. Sors de l'eau, de l'huile, du vin, autant qu'il y en a. « Toi, ajouta-t-il, en s'adressant au garçon de ferme, à la terrasse. S'il monte à cheval sur le mur, avise-moi. » Il dit, puis il entr'ouvrit avec précaution le volet, ne faisant qu'une imperceptible ouverture, tout au plus assez grande pour laisser passer le canon d'une escopette et l'œil avisé d'un homme. Xavier tremblait au contact du froid de la nuit, mais il se remit bien vite, car il n'était pas lâche, et il regarda en bas. Un groupe sombre fourmillait. On entendait comme une délibération faite à voix basse. « Feu !» lui dit son oncle à l'oreille. « Ils sont 20 au moins !» répondit Xavier. « Et puis ?» grogna le curé. Tout en faisant impatiemment cet aparté à son neveu, il appuya dans l'embrasure de la fenêtre son escopette et tira. Il se produisit immédiatement un trouble dans le groupe et le curé se frotta les mains. « Un est tombé, les jambes en l'air !» « Quoniam !» murmura-t-il, prononçant la parole latine avec laquelle, depuis le temps lointain du séminaire, il remplaçait toutes les interjections qui abondent dans la langue espagnole. « Maintenant, à toi, enfant. Ils ont une échelle. Le premier qui monte... » Les doigts de Xavier se crispèrent sur son élégante carabine le faucheux, mais peu à peu, ils se détendirent. « Oncle, s'enhardit-il à murmurer, parmi ces gens, il y en a de connus. Je me souviens maintenant, l'on en parlait à la foire. On assurait qu'il y a là le chirurgien de Solas, l'artificier de Hunsende, le frère du médecin de Doas. Voulez-vous que je leur parle? Avec un peu d'argent, il se peut qu'ils soient satisfaits et nous laissent la paix, sans que nous ayons à tuer personne. De l'argent? De l'argent? S'écria sourdement le curé. Sans doute, tu penses que cette maison renferme des millions? Et les fonds de l'église? « Ils sont à l'église, quoniam, et je me laisserai rôtir la plante des pieds, comme le curé de Solas l'année passée, plutôt que de leur en donner un autre chaveau. Feu sur eux, si tu as peur, j'irai, moi. »« Peur, non !» s'écria énergiquement Xavier, et il posa sa carabine sur l'embrasure. « Envoie-leur les deux coups !» commanda le curé. Xavier appuya deux fois le doigt sur la gâchette, et aux deux détonations, une clameur formidable répondit d'en bas. Le jeune homme n'avait pas encore eu le temps de relever la main qu'une décharge formidable vint s'aplatir dans les volets, arrachant de longs éclats de bois et les enlevant presque décharge. Au travers du vacarme, on distinguait des bruits différents entre eux. Le coup sec des pistolets, le retentissement sonore de la carabine, le pétard des mousquets. Xavier recula vacillant, le bras droit pendant. Sa carabine tomba à terre. « Qu'as-tu, enfant ?» « Ils doivent m'avoir cassé le poignet !» gémit le jeune homme, allant tomber presque inanimé sur le banc. Le curé, qui chargeait son escopette, se sentit tiré par les pans de sa lévite, et à la clarté douteuse du feu de l'âtre, il vit un spectre livide qui se traînait à ses pieds. C'était la servante, qui murmura d'une voix inintelligible. « Maître, maître, rendez-vous, maître, sur votre âme, maître, sinon ils vont nous tuer, nous mourrons tous !» « Arrière, quoniam !» proféra le vieux curé, s'élançant à la fenêtre. Xavier, devenu inutile, soupirait en essayant d'attacher son mouchoir de la main gauche. La servante ne se relevait pas, paralysée par la peur. Mais le curé, sans s'inquiéter de ses invalides, ouvrit rapidement la fenêtre et vit une échelle appuyée au mur et vacillant sous le poids des hommes qui y montaient. Il tira au hasard et atteignit le premier échelon. Levant ensuite son escopette, il la brandit par le canon et, d'un vigoureux coup de culasse, il envoya rouler les assaillants du premier échelon. Plusieurs détonations lui répondirent, mais déjà le curé, retiré à l'intérieur, chargeait de nouveau son arme. Xavier, qui avait cessé de gémir, s'approcha résolument. « Oncle, maintenant vous ne tiendrez pas un quart d'heure. Ils vont entrer par ici ou par le patio. J'ai senti une odeur de pétrole. Ils brûleront la porte de la cave. Je ne peux plus tirer. Pourtant, je voudrais vous servir à quelque chose. Verse-leur de l'huile bouillante de la main gauche. Je vais faire sortir la rabona de l'écurie, par le portail, et faire un temps de galop jusqu'à Doas. Au poste de la garde ? Au poste de la garde. Il n'est plus temps, tu me retrouveras mort. Enfant, adieu. « Récite-moi un pater et que l'on dise des messes pour le repos de mon âme. Faites qu'ils attendent, entretenez-les, j'irai à travers les airs. » La silhouette obscure du garçon de ferme se détacha un instant sur le mur rouge du foyer et se fondit ensuite dans les ténèbres de la galerie. L'oncle rétrécit ses épaules et, se montrant, déchargea une fois de plus son escopette à bout portant. Puis, il courut vers l'âtre et détacha vigoureusement la lourde marmite qui bouillait sur les braises, retenue par une large chaîne de fer. Il ouvrit entièrement la fenêtre et, sans se garantir davantage, il leva le pot et le versa d'un seul coup sur la tête des ennemis. On entendit un immense hurlement, et comme si ce goupillon brûlant eût servi d'aiguillon à la rage que leur causait une défense si héroïque, tous se précipitèrent vers l'échelle, montant sur les épaules les uns des autres. Et tandis que deux ou trois hommes passaient par-dessus le mur et luttaient avec le garçon de ferme, une masse humaine tomba sur le curé, qui se défendait encore à coups de crosse. Lorsque la grappe d'hommes s'égrena, l'on put voir, à la clarté de la lampe, le vieillard étendu par terre, lié et bâillonné. Les voleurs avaient la face charbonnée, des barbes postiches. Ils portaient des mouchoirs liés autour de la tête, des chapeaux à larges bords et d'autres accessoires qui leur donnaient une physionomie diabolique. Un homme de haute taille, résolu et laconique, demanda des balles et, en deux secondes, fit fermer la porte et bâillonnait la servante et le garçon de ferme. Un de ses compagnons lui dit quelque chose à voix basse. Le chef s'approcha du curé vaincu. « Eh, monsieur l'abbé, ne faites pas le mort. Il y a là un homme blessé par vous qui veut se confesser. » Par l'escalier de la cave, quatre hommes montaient en effet pesamment, portant un fardeau. Arrivés à la cuisine, on vit qu'il tenait en l'air un corps laissant derrière lui des traînées de sang. La tête du blessé ballottait doucement. Ses yeux, qui commençaient à se vitrer, paraissaient de porcelaine dans sa face noircie. Sa bouche était entr'ouverte. « Le confesser ? » dit le chef. « Ne voyez-vous pas qu'il rend le dernier soupir ?» Mais le moribond, à peine assis sur le banc, où ses compagnons lui soutinrent la tête, fit un mouvement. Son regard se ranima. « Confession ! » cria-t-il d'une voix haute et claire. L'on détacha le curé et on le poussa au pied du banc. Les lèvres du blessé remuèrent comme s'il articulait un acte de contrition. Mais le curé connaissait les symptômes de la mort et, voyant une écume rosée se montrer au coin de la bouche, il leva la main et prononça rapidement « Je t'absous !» au moment même où la tête du moribond retombait pour la dernière fois sur sa poitrine. « Relevez-le, dit le chef, et maintenant que monsieur l'abbé dise où il sert son argent. « Je n'ai rien à vous donner, répondit avec fermeté l'abbé. Ses sourcils se froncèrent. Son teint, au lieu d'être animé comme de coutume, avait la pâleur bilieuse de la colère. Ses mains, dont les muscles étaient gonflés par les cordes, tremblaient d'un tremblement sénile. « Je vous dirai autre chose dans 10 minutes. Nous allons vous frire les doigts dans l'huile bouillante, dans celle-là même dont vous nous avez arrosé. Nous allons vous asseoir sur les braises, à 1 heure, à 2 heures. » Le curé regarda autour de lui et vit sur la table où il avait soupé le couteau servant à découper le pain. Avec un bond de tigre, il s'élança sur l'arme, la saisit, et, renversant d'un coup de pied la table et la lampe, protégé par cette barricade, il commença à se défendre à tâtons, dans l'obscurité, sans sentir les coups, sans songer à autre chose qu'à mourir noblement, tandis que ceux qui voulaient le brûler le criblaient de balles. Le sergent de la garde civique de Doas, qui arriva une demi-heure plus tard sur le lieu du combat, alors que les voleurs cherchaient inutilement sous les poutres, entre les feuilles de maïs de la paillasse, jusque dans le bréviaire du curé, m'assura que le cadavre de celui-ci n'avait plus forme humaine, tant il était percé de coups, maculé et contusionné. Le même sergent m'a dit que, depuis la mort du curé, les perdrix abondent. Puis, il me montra Xavier, qui ne chasse plus, par la bonne raison qu'il est manchot de la main droite. Emilia Pardo Bazán, Granja de Meiras, 9 août 1883.